je descends du bâtiment. Doucement, j'aperçois des gens, mais aussi de l'argent. Des agents font le tour, nous jouent des tours pour qu'on finisse au trou. Les groupes sont forts, mais du bâtiment A au bâtiment A au bâtiment K. Du holo square, les mêmes discussions. Chaque jour, le même ennui, même sous la pluie. Ils continuent à faire leurs affaires entre dealers qui dit les dopés qui se dopent. Mais c'est l'endroit où je vis. Les filles ont tendance à moins rire, elles esquivent les ennuis. D'autres y vont directement, puis ça finit tout doucement avec consentance. Elles entendent, elles finissent à plat ventre. Puis y'a les sœurs qui ont le cœur brisé, les yeux fatigués et le ventre gonflé. Mais le mec s'est barré. Mais c'est juste un autre jour dans la vie du gay. C'est juste un autre jour. Okay. Juste un autre jour dans la vie du ghetto. Juste un autre jour. Juste un autre jour. C'est juste un autre jour dans la vie de ghetto. Toute la nuit, les thugs vont défoncer la console. Et les meufs passent la nuit à se consoler. La souffrance vit en ghetto. Un bruit de moto, des cris de la fumée. Ouais, ils sont en train de jouer des armes sur eux pour être en sécurité chez eux. J'ai un gun qui dort avec moi dans mon pieu. Les vieux du quartier nous parlent de leur old school. Les petits ne veulent plus aller à la school. Et les grands frères écoutent tous de la new school. Ici tout est cool, la popo passe et surveille certains futurs criminels. Des poussettes poussées par des gamines de 15 ans, mises en clope par des enfants de 20 ans. C'est juste la réalité. Ok, c'est juste un autre jour dans la vie de ghetto. Juste un autre jour. C'est juste un autre jour. C'est juste un autre jour dans la vie de ghetto. C'est juste un autre jour. Juste un autre jour dans la vie du ghetto. Un autre jour, un autre crime, une autre nuit, une autre victime. Parfois on entend des guns, des fois ça sent la weed. Souvent ils sont stupides, ils veulent des voitures rapides. On a nos chaînes en or avec des pendentifs différents. C'est comme ça qu'on se différencie. La vie ne tient que sur un fil, les ennuis viennent tous les jours. Un homme à l'interphone crie pour voir son fils. Le regard balancé par la fenêtre. Une voiture freine et ça sort les flingues. Puis ça tire en plein crâne. Des types sur le sol en sang, agonisant. Sans doute pour une histoire d'argent. Ils vivaient ici, mais je les voyais peu souvent. Alors reste in peace. Les mères en pleurs sont inconsolables. Les jeunes ont lâché le cartable. Les gens pètent des câbles. C'est juste un autre jour. Oh yeah. Oh yeah. Oh.